Mais oui, l'action de grâce, les puritains. Mais les puritains, à mes yeux, sont un bon exemple de comment l'astral peut détruire que des gens qui ont de bonnes intentions, qui ont de bonnes idées, qui ont. Mais ça embarque tout le temps. Ça finit tout le temps par embarquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communautés que c'était très sain à la base, au sens où c'était très logique, c'était très bien. Et puis finalement, il a commencé à s'installer de la paranoïa, des chicaneries. Ah, c'est souvent comme ça, malheureusement. Vous connaissez les Mahométans, les djinns qui seraient des êtres faits d'un feu sans fusée qui vivent entre les plans. Eh bien, jusqu'à un certain point, il y a une certaine intuition là-dedans. Mais oui, il y a une certaine intuition là-dedans. Je ne suis pas un djinn, eh bien, moi non plus, mais quand ça ai-je au fond. Mais on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y en a qui. Il y en a qui me pensent peut-être démoniaque, c'est des fortes possibilités. J'ai vu que dans mes statistiques, il y a des gens qui m'écoutent, qui écoutent aussi Pierre Blanchette. Lui, il doit me considérer comme moi. Il doit penser que je suis satanique. Mais vous savez, le diable, c'est un peu tout vu que c'est lié à, si on peut dire, diabolos, c'est un principe de division, c'est souvent lié à tout ce qu'on rejette, va devenir diabolique, tout ce que vous rejetez, au fond, ça c'est si on est très psychologique. Mais envoyer les forces se faire foutre, il faut que ce soit vibratoirement, parce que dans les faits, là, ils peuvent pas vraiment se faire foutre ou aller se faire voir ou manger, bon. Mais il y a toujours moyen de retourner les vibrations d'une façon amplifiée, puis ça a un effet des fois. Puis même, on a pu constater là, avec David que des fois, on les ébranle. Vous savez qu'il y a de la souffrance hein, aussi sur les plans qui est possible. Jusqu'à un certain point, oui, l'enfer existe. Il n'est pas juste ici avec nous. Il est un petit peu partout autour de la planète. Mais là, c'est des fréquences, donc c'est ce qui vibre bas, là. C'est pas parce que c'est là qu'on est pris dedans, on n'est pas obligé, si on vibre plus haut que ça. Puis là, d'une certaine façon, je radote un peu. Est-ce que je radote? Sûrement un peu. Quoique c'est un bon exemple de comment l'astral peut agir pour corrompre une société. Tout simplement par des pensées, par de la paranoïa. Puis, entre autres aussi par de l'émotivité, là, d'une façon épouvantable, puis par l'orgueil. Si vous relisez, là, la façon dont ça s'est produit, là, l'orgueil des juges, puis la prétention aussi de savoir, puis la promptitude à condamner, puis à voir vraiment le mal tout le temps. Alors que souvent, ils le voyaient partout sauf en eux. Quand c'est rendu là, vous savez que par exemple en Espagne, l'Inquisition, ils ont brûlé des gens jusqu'au 19e siècle. Il y a même là des deux petites filles là, dans les pires, là, dans les derniers temps, qui de l'Inquisition en Espagne, qui ont été. Bon, ben, c'est des choses dont on ne parle pas vraiment beaucoup, là. C'est un peu comme ces temps-ci, là, les Autochtones, puis l'Église, là, en Amérique du Nord. Oh, il y a des choses là que c'est rendu tabou, là. Comment procéder à des ATT de télépsychie pour mettre l'épaule à la roue? Ça devient compliqué parce que il faut la permission jusqu'à un certain point ou vibrer très très haut. Puis quand une fois qu'on vibre très très haut, on n'a pas envie d'attaquer. On n'a pas envie. Finalement, on va voir qu'il y a des choses qui vont se régler d'elles-mêmes, puis ça enlève l'envie de faire ça. Mais c'est lié à de la programmation, puis ben, comment je fais? Moi, c'est au niveau par exemple, quand je dors, imagine une capacité de dormir consciemment. Puis c'est là que vous pouvez, comme par exemple, si vous faites des rêves lucides, vous pouvez profiter du fait que vous êtes dans cet état-là où le corps est endormi. Puis, mais des fois, il faut programmer l'action d'avance. Là, c'est compliqué. Pour vous s'échapper du monde onirique, pour aller sur d'autres plans. Là, vous pouvez retrouver le double astral de quelqu'un. Puis procéder à des attaques. Mais des fois, si une vibration n'atteint pas la cible, elle revient. Puis elle peut être amplifiée. Puis, J'ai eu une mauvaise expérience. Il y a quelqu'un de notre bon gouvernement que je me suis, comme ça, j'ai eu un rêve lucide avec mon petit masque là, qui m'a coûté un prix de fou puis qui marche même pas une fois sur 20. Puis j'ai décidé que j'allais aller attaquer ce gars-là. Puis au niveau de la façon dont j'ai donné forme à l'information par rapport à, je sais pas, moi, ce qui se passe sur les plans, parce que c'est toujours subjectif, les images que ça fait. Puis c'est étrange, hein, parce que je me promenais dans un environnement où il faisait très humide, il y avait de la brume. Puis par après, il n'y avait pas cette température-là, mais une journée plus tard, on avait cette température-là ici. Mais en tout cas, j'ai voulu aller attaquer ce bonhomme-là, puis je me suis retrouvé confronté avec, pour la première fois, habituellement sur ces plans-là, ça va prendre des formes de personnes. Puis pour la première fois, j'ai été confronté à quelque chose qui n'avait pas une forme anthropoïde, là. C'était pas une forme humaine. Puis je pense pas que c'était le bonhomme, mais quelque chose qui m'a empêché d'aller l'attaquer. Donc, est-ce que je pense qu'il y a certains inconscients dans notre gouvernement qui sont secondés par des entités non humaines? Oui, ça, je le considère que oui. Mais c'est, comme je vous dis, c'est subjectif. C'est les formes que ça prend. C'est les formes que l'information au niveau énergétique va prendre par rapport à la mémoire dans mon âme. Puis quand je me réveille, puis que j'ai souvenir de tout ça, c'est pas nécessairement objectif. Donc, je me fie à rien. Je me fie à rien. Mais s'adonner à ce genre d'expérience-là, il faut avoir un petit peu de front. Moi, je me fie à rien, hein. Depuis que je suis très jeune, je me demande si même le monde matériel dans lequel nous vivons n'est pas une illusion, si c'est réel, tout ça. Et même quand j'avais 7-8 ans, je me demandais si Dieu était pas au fond une sorte de rêveur, puis on était des êtres dans son rêve, de l'énergie auquel lui donne forme. Puis par après, plus tard, j'allais du côté des idéalistes. Vous savez, les philosophes idéalistes, finalement, j'ai fini par être assez pointu dans ce domaine-là. J'ai même aidé quand le peu de temps que j'ai été sur Facebook, j'ai aidé des étudiants en philosophie par rapport à des fois, là, des thèses qu'il y avait ou par rapport aux idéalistes. Mais vous savez quoi? J'ai tout oublié. Je me souviens plus du tout de rien. L'affaire, c'est par exemple pour avoir des rêves lucides, si pendant la journée, que pendant votre vécu de la journée, vous vous demandez de temps en temps, est-ce que je suis en train de rêver? Et bien, à un moment donné, vous allez rêver que vous êtes dans l'état de veille. Puis comme c'est une habitude, vous allez vous demander dans le rêve, est-ce que je suis en train de rêver? Et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes en train de rêver. Là, le rêve va devenir lucide. Donc, se poser des questions, ça amène des réponses, semble-t-il. Donc, c'est terrible, mais nous sommes conditionnés à ne pas nous poser trop de questions. Mais en même temps, il ne faut pas se casser la tête. Donc, c'est une question de mesure. Le problème, c'est que l'être humain est multidimensionnel. Donc, une entité qui est sur un autre plan, vous avez une partie de vous qui est sur ce plan-là aussi. Sinon, il n'y aurait pas une perception. Puis, comme il y a différents faisceaux, ben, vous pouvez être attaqué sur une partie de votre dimensionnalité. Mais c'est vrai qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Mais les gens qui ont vécu là, des paralysies du sommeil, puis des choses comme ça, des fois, c'est très surprenant. Il y a même des cas où il y a des traces physiques dans la chambre. Donc, jusqu'à un certain point, ça vient réfuter certaines théories. Comme il y a des neurologues là, qui ont tenté d'expliquer ça, mais non, il y a des choses anormales qui se passent. C'est quoi la fameuse vibration à l'intérieur du crâne qu'on sent la nuit? En mi-sommeil, j'avais beaucoup ça quand j'étais ado. Ce serait la glande pinéale. La glande pinéale qui fonctionne par vibration puis qui est rattachée dans le cerveau à tout ce qui est lié à la vue. Donc, elle a donné une forme aux longueurs d'onde, entre autres. Donc, c'est l'un des centres les plus importants. Et puis, c'est normal quand on est ado parce qu'il y a une exacerbation de certaines sensibilités, puis il y a une densification de certains corps qui se font. Donc, mais il y en a que dès l'enfance, que ça va se manifester avant d'être ado. Mais oui, ce serait la glande pinéale qui fait la vibration qui vient de l'intérieur du crâne. Puis justement, chez Pitre, au studio, là, aujourd'hui, il y a une dame qui disait qu'il y a certaines technologies actuelles qu'on nous impose par chantage, puis ça viendrait à vouloir calcifier ce centre-là. Le problème avec la spiritualité, là, au sens de sectes qui ont développé des doctrines et des techniques, C'est que dans le passé, au niveau de l'involution, c'est toujours lié à faire monter des forces qui sont au fond des vibrations planétaires. Alors qu'il va falloir à un moment donné, peut-être, c'est. Aurobindo disait que ça viendrait d'en haut, ce qui rompt complètement avec certaines choses. L'autorité d'un être humain incarné est extrêmement forte sur l'invisible. C'est pour ça qu'il a été écrit que nous avons à craindre de rien d'autre que des dominations dans des lieux célestes. Il est écrit ça dans les évangiles. Pourtant, ça parle de l'astral très clairement. De toutes ces forces-là, puis de toutes ces. Mais pourtant, on a une autorité extraordinaire. L'être humain n'est pas capable de vibrer sa propre autorité. On dirait, il n'y a personne qui est censé pouvoir. Moi, en tout cas, les nuits où je me. Depuis l'enfance, je me fais plus attaquer. Fait que ça marche pas. Oui, ça, par contre, quand j'ai encore des dialogues internes là, assez intenses, je reçois encore de l'information que je continue d'aller vérifier tout le temps parce que j'ai toujours quand même des doutes. Mais je sais pas, il se passe en ce moment des choses. Moi, depuis quelques années, j'ai plus de phénomènes intenses ou j'ai plus d'expériences très surprenantes, là. Puis j'ai l'impression qu'il y a une charge qui s'accumule, puis à un moment donné, je vais avoir là. En tout cas, mais par rapport à les hypnotisés, nous le sommes tous hypnotisés jusqu'à un certain point, sinon ce serait impossible de fonctionner socialement. Quelqu'un qui verrait parfaitement clairement tout le temps, là, à ce moment-là, il devient une espèce de Christ, hein, puis il bouleverse toute la société. Donc, il faut quand même être astralisé d'une certaine façon, c'est-à-dire avoir encore des rapports avec l'âme collective pour fonctionner socialement. Quelqu'un là qui devient trop aussi des fois c'est la personne elle va s'auto il y a de l'auto-hypnose qui existe plus ça fait des reclus puis des ermites qui se mettent à délirer dans leur coin puis qui s'en rendent pas compte. Puis c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux que la socialisation là. Pour pouvoir fonctionner dans quelque chose de collectif, il faut au moins être capable de percevoir certaines choses qui sont collectives. Sinon, il va y avoir une trop grande dichotomie avec les autres. Puis, à mes yeux, c'est jamais bon. C'est jamais bon. On n'est pas en société, on n'est pas incarné juste pour le fun. Il y a des choses intégrées par rapport à ça. Puis, on peut rêver qu'on se réveille, puis ça finit que ça fait des gens. Il y a de l'orgueil des fois. Ça peut être de l'orgueil de te vouloir rejeter tout puis de se couper du monde. C'est jamais trop bon. Puis plus il y a du monde qui vous font chier, plus vous allez être mis en vibration, puis plus vous allez apprendre à gérer de l'énergie. Moi, à mes yeux, ça a une certaine importance. Ce qui s'en vient, les principaux tests, ça va être voir et faire face, hein? Puis des fois, même pas faire face dans le sens de s'opposer, mais simplement voir puis rester intègre quand même sans bouleverser tout, là. Plus il y a de la lumière en vous, plus vous allez attirer des mouches, plus vous êtes élevé, plus vous allez être testé. Puis c'est pareil pour tout le monde. Ben, à un moment donné, on est forcé à. Les gens orgueilleux vont s'attirer des humiliations, j'ai remarqué ça. Ben, moi, en tout cas, avec moi-même, je l'ai remarqué. Puis on dirait que c'est tout le temps ajusté, hein, l'expérimental qui est. Des fois, quand on vit l'enfer, c'est parce qu'il y a un feu qui veut brûler de la pollution, des choses comme ça. Puis on se met les pieds dans les plats des fois parce que c'est nécessaire. Puis, en tout cas, on est jusqu'à un certain point sans tomber dans des vieilles choses, là. On est notre propre ennemi souvent. Et premièrement, je dirais l'initiation terrestre, qui est par rapport là, à intégrer tout ce qui est par rapport au psychologique, de voir que c'est illusoire. Après ça, il pourrait y avoir une initiation lunaire par rapport à comprendre qu'il y a d'autres plans, comme l'astral. Puis là, initiation mercurienne par rapport à savoir qu'il y a de la télépathie, la pensée vient d'ailleurs, et puis ainsi de suite. Pour sortir de la procrastination, faut-il sortir du plan astral? La procrastination, c'est par la colère, à mes yeux. C'est très efficace. Si vous savez que c'est de la procrastination, c'est supposé générer une colère. Cette colère-là est supposée se transmettre en volonté. C'est des processus habituels. Si on souffre de notre condition, on est supposé être en colère de ça. Puis ça, c'est supposé se mobiliser en volonté de changer sa condition. Puis le frein à ça, c'est la peur, la subjectivité de la peur. La peur de se battre un peu contre soi-même, parce que déjà être en souffrance, c'est pas le fun de, en plus de se battre contre. On dit qu'il faut passer de la connaissance au savoir, mais à mes yeux, il faut un niveau quand même important de connaissance pour aborder le supramental. Ça, j'avoue que je suis pas certain. Je sais juste qu'il y a des choses qui se manifestent d'un coup. Les vrais gens dangereux, les vrais gens, c'est pas des sociopathes, là. C'est ce qu'on pourrait appeler des... C'est réellement quasiment une spiritualité qu'elles ont. On a affaire à des tickets plus hauts, là, des ascètes qui sont missionnés. Puis ils vont se servir de la sociopathie puis de la psychopathie d'autres. Et les fois où j'ai pu jaser avec Sabourin, à un moment donné, il me parlait que lui, quand il a commencé à avoir la mode de la scientologie, là, la dianétique puis ces affaires-là, Sabourin, lui, trouvait ça intéressant. Mais Bernard, lui, il considérait du non, c'est de la magie noire, puis ça vibre pas, puis tout, puis je suis d'accord là-dessus avec Bernard. Mais ça, c'est ce que Sabourin m'a rapporté. Ben, j'ai pas jasé souvent avec le jeu, ça n'a pas été duré longtemps. Mais j'avais trouvé ça intéressant parce que moi aussi, à mes yeux, la scientologie, là, c'est des techniques psychologiques de manipulation puis de domination. Puis, mais oui, là, on est dans des affaires lucifériennes. Il y a des techniques de domination, puis de mesmérisation, puis de magnétisation, tant qu'à moi, au sens de doctrinal formel, quand ça a des structures hiérarchiques, puis que c'est, oh, non, moi, tout de suite. Lovecraft tenait quelque chose en imaginant des entités en dehors du monde pour qui l'homme est à peine un insecte. À mes yeux, ça fait partie on peut dire, du mensonge, ça, parce que l'homme, il est extrêmement puissant. L'être humain est extrêmement puissant. Puis il est capable de maîtriser des forces qui semblent énormément plus grandes que lui, pourtant. Donc, il y a quelque chose là. Parce que si on parle de, par exemple, si vous prenez Lovecraft, là, les grands anciens, ça vient pas de lui, cette idée-là. On va aller voir Crowley, là, les... En tout cas, mais l'être humain est beaucoup plus fort qu'on lui laisse croire, et même qu'il nourrit. Et il nourrit des choses qui le manipulent pour des choses plus faibles que lui, au niveau, en tout cas, créatif, le potentiel de l'humain. L'être humain, là, c'est le résultat d'un laboratoire qui dépasse même l'idée de spatialité puis de temps. Donc, la source est quoi pour toi? Ben, la source est carrément l'intelligence non différenciée de l'univers, carrément, même en dehors de ça, puis qui transcende toute chose. Je trouve que vos explications, vos partages personnels sont des plus enrichissants pour comprendre ce qui est le supramental, votre méthode. Ouais, ben, pourtant, je parle pas juste de supramental, là. Je parle pas mal de toutes sortes d'affaires. Parce que c'est particulier, là, le supramental, cette espèce de dépersonnalisation, puis pourtant on parle, puis on a l'impression de radoter, puis pourtant si on enregistre, puis on réécoute, là, c'est clair, puis c'est cohérent, puis c'est vraiment un phénomène. Il y a quelque chose qui se passe vibratoirement, ben, tout le temps, donc vous êtes certain de ne pas vous tromper. Est-ce normal que toute forme d'or nous semble astrale après l'initiation? Oui. Ben oui, parce que l'inspiration vient d'où? À moins d'être quelqu'un qui a une forme d'art scientifique liée à de la recherche, il y a quelque chose d'une mémoire qui peut se transmettre par la vibration. J'ai eu pendant un certain temps, ça a duré quelques mois, là, il y a un bout de temps, je pouvais pas regarder certaines choses sans les entendre, des choses, puis en tout cas... serait pas très intéressant à élaborer, mais je pense que je comprends le phénomène. Il y a certaines personnes qui ont parlé normalement, notamment, qui voient, par exemple, un écran qui est comme un écran de télévision cathodique, là, comme s'il y avait de la neige, puis que derrière la perception de notre plan, il y a d'autres choses, comme s'ils percevaient l'énergie. Mais là, ça peut être une retransposition visuelle d'un phénomène qui est ressenti autrement là, par rapport au système nerveux. Donc, mais Un léger état de transe. Oui, ben, ces phénomènes-là vont être plus palpables si vous êtes dans un état de réceptif. Sait-on quand on est en initiation? Ben oui. Si vous êtes dans grosse, grosse merde dans votre vie ou bien que vous trouvez que les choses n'ont plus de sens, puis tout d'un coup, ça prenait. Être en initiation, là, c'est vous marchez comme dans le vide, vous vous mettez le pied dans le vide dans votre vie, puis le plancher apparaît à mesure que vous avancez. Mais c'est une incertitude totale, puis une grande souffrance psychologique souvent. La souffrance de l'initiation que vous avez expliquée. Ben, si vous intégrez, dès que vous êtes mis en expérience, ou si vous vous mettez en expérience, puis que vous intégrer au sens où la personne que vous êtes une journée n'est plus la même qu'hier, puis qu'il n'y a pas de retour possible, et vous êtes en initiation. Culture ne vient pas de culte, oui. C'est pour ça que moi, je suis général. Je ne serai jamais ben bon pour. Je serai jamais là, un fanatique d'un culte, parce que je suis trop général. Impossible. Mais oui, culture vient de culte. Ben oui. Puis même, comment je pourrais dire ça? C'est ce qui a engendré les civilisations. Si vous avez les premières religions comme les chamanistes, puis tous c'est des civilisations rattachées à la Terre. Comme il y a eu un retour un peu au paganisme dans les années 60 avec les hippies, le retour à la Terre, puis tout. Si vous prenez des religions comme certaines religions du Moyen-Orient, comme le Mazdéisme, ces choses-là, ou même l'islam, je ne connaîtrais pas, c'est des religions lunaires. Puis il y a le christianisme qui serait une religion solaire, mais ça, c'est une affaire d'opinion, si on peut dire. Mais oui, ça vient tout de. Nous sommes tombés sur la terre et nous allons en décoller à un moment donné. Quand vous vous adressez avec autorité à votre contact pour une info ou placez quelque chose dans sa vie, parlez au contact, au double, notre source. Moi, quand j'essaie d'être trop autoritaire, puis que je veux forcer à ce que ça me réponde, je reçois de la désinformation. Ou bien ça va tourner en rond. J'ai déjà réussi à forcer des réponses, mais j'ai plus de misère. Puis moi, j'ai un double de marde. Vraiment, il y en a qui ont vraiment, ils aiment ça, là, puis tout, mais moi, j'en ai un là, qui, je l'aime pas. Je m'entends pas bien avec, je vais être franc, là. J'ai un double autoritaire, puis qui a un humour, en tout cas, qui a le don de me mettre en colère, puis que je me fais niaiser. Par lui, pourquoi? Parce que probablement que je veux trop, puis que je m'apprends pour plus important que ce qu'il faut, puis que aussi ce que j'ai à faire, c'est pas nécessairement ce que je fais ou ce que je veux faire. Puis ça aboutit à une espèce de relation qu'on pourrait dire conflictuelle pour au sens psychologique, comme avec quelqu'un. Mais je m'entends pas, je l'haïs. Vraiment, même des fois, ça venait me parler, j'ai demandé crisse-moi la paix, que je veux rien savoir. Puis il y a une sorte de. En tout cas, moi, j'ai bien de la misère avec le mien. C'est plus lui qui est autoritaire que moi. Là. Comment on fait pour prendre contact avec son double? C'est quoi un double? Ben là, il faut aller voir ce qui a été dit avant. Je parle. Bernard, il l'explique bien, ça. C'est une densification, entêtisation de ce qui est la réelle intelligence avec laquelle vous pouvez prendre contact à travers un intermédiaire. C'est un peu comme votre ange gardien, mais au niveau du supramental, c'est pas mal moins le fun. Moi, en tout cas, j'ai pas de. Moi, il me fait chier. Moi, à l'âge, j'évolue en chien avec eux. Bon. Parfois, les réponses arrivent par la bouche des autres. Oui. Oui, ça m'est arrivé même dans des conversations anodines avec des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Puis, ils me sortaient des choses, ils savaient même pas ce qu'ils disaient au fond, parce que c'était pour moi. Puis, j'étais là, je voyons, elle me dit ça, elle, puis j'étais bien surpris. Je me disais, ben voyons donc, comment ça peut passer par. Quelle est la différence entre la souffrance habituelle et la souffrance de la fusion? La souffrance de la fusion, elle va être vibratoire beaucoup. Puis si on la psychologise pas, elle devient pas psychologique, mais c'est déplaisant pareil. Ben, déplaisant. Ça dépend. Ça dépend. Mais moi, j'en ai vu qu'il vivait bien, mais vous remarquerez sacrés qui sont morts. Ben moi, je vois pas de différence entre l'ange gardien puis le double personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai écouté les gens qui témoignaient à propos des anges gardiens, puis je me disais c'est un double qu'ils spiritualisent, c'est-à-dire qu'en tant que personnalité spiritualisée ou liée à leur expérience ou à leur vision du monde, ça se présente sous une forme comme ça. Mais ça m'est arrivé de me faire prévenir que je me serais mis les pieds dans les plats si j'avais pas été prévenu, puis ça a passé par le double, mais c'est un autre aurait dit mon ange gardien. Donc, à mes yeux, je vois pas de différence. C'est au niveau de l'interprétation selon le vécu puis la perception de chacun que. Je comprends pas bien ce que tu veux dire par souffrance vibratoire. Peux-tu décrire un peu plus? C'est-à-dire que ça se traduira pas psychologiquement. C'est un peu comme quelqu'un qui a souffert beaucoup dans le passé au niveau, je sais pas moi, d'un deuil. Le sentiment de perte va être encore présent, mais il ne sera pas psychologiquement présent. C'est-à-dire, vous allez sentir un vide quand même, mais vous mettrez pas, vous laisserez pas aller la mise en vibration de ça. Vous allez sentir que vous pourriez vous laisser aller au psychologique, pas à la souffrance psychologique, parce que la souffrance est là. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que vous avez le choix de vous laisser mettre en vibration ou pas. Puis c'est un peu comme ça, mais pas au sens nécessairement d'une mémoire, mais ça ressemble à ça. Là, ça. Le double est pas, a pas une personnalité puis une individualité comme une personne incarnée, là. Donc, c'est sûr, c'est nouveau. Même la psychologie d'une personne, d'un ego humain, ça n'a pas le choix d'être nouveau pour une forme comme ça. Eux, ça s'est jamais incarné, ça, là. C'est en contact avec de l'incarnation. Un peu comme une protubérance énergétique qui est en train de se créer sur un chemin qui se recrée puis qui a été coupé il y a tellement longtemps. Il y a un retour par rapport à ça. Mais c'est un peu comme. Comment je pourrais dire ça? Il y a une chute dans la matière, si on peut dire. Il y a la création du dernier corps qui est très très avancé, qu'on a trop dénigré, que la spiritualité a dénigré, qu'on appelle l'ego. C'est à partir de cette affaire-là, dans la matière incarnée, qu'il va y avoir un retour vers la source tout en transmettant de la mémoire expérimentale dans l'âme. C'est à partir de ça que l'ego va se construire par une entêtisation de la source. C'est assez fou, là. C'est sûr que c'est certain que lui, il a accès à ce qui. En dehors de l'espace et du temps. Parce que c'est une entêtisation de la lumière. C'est pas tout à fait nous, mais c'est quelque chose de pré-personnel. Donc, le phénomène de la fusion est nouveau autant pour eux que pour nous, alors on n'est vraiment pas sorti du. Ah, ben, il me semble que c'est ça que j'ai lu tantôt. Est-ce qu'il faut chercher à vivre des expériences difficiles pour forcer son initiation? Alors, ça va venir tout seul. Ça va vous courir après, inquiétez-vous pas. Comme la misère se garouche sur le pauvre monde. Non, ça vient pas de l'ego, ça. C'est pas des choix. Je connais personne qui a décidé de se mettre dans la marde pour évoluer. Ça marche pas. Ça se fait tout ça. Ça serait. À 20 ans, j'ai demandé à avoir plus d'apprentissage. J'ai été servi. Ben, c'est ça. Si, là, vous voulez, là, devenir super éveillé, là, puis que vous demandez ça, du moins, là, je veux m'éveiller, puis je veux évoluer, puis vous allez être servi. Puis vous allez possiblement psychologiquement au niveau de votre personnalité le regretter amèrement d'avoir demandé ça. Pas après coup, mais pendant que ça arrive, là. Certains parlent aussi d'un double luciférien. Oui. Ben oui, parce que ce qu'on pourrait appeler un peu ce que Jung appelait l'ombre. Ben imaginez que cette partie-là acquiert une personnalité propre et des intentions liées à ces instincts primaux-là qui sont refoulés. Puis là, vous allez voir c'est quoi le double luciférien. Puis on peut même être possédé par ça. Puis ça fait quoi? Ça fait des monstres. Quelqu'un, là, c'est comme si vous prenez, par exemple, il y a des gens là, qui ont commis des crimes atroces, puis que vous regardez leur parcours, puis ce qu'ils disent, vous allez vous rendre compte qu'il y a un monstre en eux, mais en même temps, il y a autre chose. Puis qu'à un moment donné, au niveau de leur vie, ils ont basculé. Puis il y a eu des choses, des pulsions plus fortes qu'eux. C'est ça, le double luciférien. Puis c'est extrêmement dangereux, mais le problème, c'est que ça peut devenir. Il y a des forces qui peuvent s'exprimer à travers ça, au point de détruire tout un pays, par exemple, comme au niveau de certains dictateurs. Il y a des êtres qui ils sont à un certain niveau dans l'invisible, puis ils veulent, si on peut dire, mettre leur énergie à l'épreuve pour aller au niveau plus haut. Puis pour ça marche pas comme ils voudraient parce que dans des plans parfaits ou finis, il n'y a pas d'évolution. Donc, il va y avoir une attirance vers l'incarnation expérimentale dans l'espace-temps matériel. Il y a une espèce de sortie du plan où ils sont. Puis c'est là que ça se produit. Donc, à un moment donné, je ne sais plus qui avait dit ça, il disait ce qui s'incarne, c'est des fraîchiers. C'est des qui ils se pensent à la hauteur parce qu'ils étaient à une certaine hauteur. Puis il y a une chute dans la matière. T'sais, mais jusque-là, c'est un peu comme le rejet là, du paradis terrestre. Il y a une métaphore liée à ça. Par exemple, là, comme notre monde est contemplé par d'autres au niveau fréquentiel, par des télépathies que nous, on n'a même pas conscience. On est observé de l'intérieur, puis il y a des choses qui regardent à travers nous. Puis, il va se créer, le plan matériel obéit à des lois, semble-t-il, de gravité. Puis, il y a des énergies qui vont être attirées par l'incarnation, un peu comme par un aimant attiré par du métal. Puis, c'est là que, mais il n'y aurait pas de monde en évolution dans l'univers, puis l'énergie pourrait pas se transmettre d'un plan à l'autre sans des phénomènes comme ça. Mais c'est tellement dehors de la psychologie humaine comme on la conçoit que c'est difficile à traduire dans des mots. Mais oui, quelqu'un qui s'incarne parce qu'il y a quelque chose, c'est une. En tout cas, il y a la chute, des chutes. Il y a ce qu'on pourrait appeler quelque chose d'un ange déchu dans l'être humain, qui s'est pensé capable, lui. Parce que vu d'en haut, vu des plans, ça a l'air bien facile, hein? On a l'air de tous des petits bébés qui se plaignent puis qui pleurent, vu de certains niveaux. Puis aussi, juste si jamais là, vous jasez intérieurement avec certains types d'entités systémiques, vous allez voir le mépris pour la souffrance humaine qu'ils ont. Là, à ce moment-là, on pourrait quasiment dire presque quand c'est à mi-chemin entre ça qui est bien haut, puis ici, là, on pourrait même parler des fois, il y a une haine puis une jalousie pour l'être humain. Puis c'est surprenant, mais pourtant, c'est là on pourrait parler entre guillemets là, des démons. Parce que faut être cave un peu pour s'incarner. Ben, cave pour s'incarner, je ne suis pas trop d'accord, c'est une nécessité. Pour instaurer des centres de communication sur Terre pour les plans d'évolution. Ben oui, ça fait partie des lois des. Mais ce qui s'incarne, s'ils savaient d'une façon psychologique ce que c'est, il n'y en aurait plus d'évolution. Parce qu'il n'y a personne qui voudrait. Donc, on n'est pas tout seul là, qui est dans des illusions. Chaque plan a ses illusions. Chaque plan a ses illusions. Puis c'est ça qui fait que, justement, il y a une diffusion. Dans les mondes en évolution, qu'il y a des lois de la vie, puis ça allait engendrer autant de mouvements. Puis sinon, tout serait statique, tout serait resté. Il n'y aurait plus grand, en tout cas. Bon, ben, merci à vous, merci à tout le monde, puis bonne soirée.